Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Et avant de lancer l'interview, je voulais vous demander votre aide. Voilà, vous le savez, j'ai sorti le livre 2030 glorieuses utopie vivante chez Actes Sud en janvier là, et j'ai eu déjà pas mal de retours, hein, notamment de journalistes qui me disent tous et toutes à quel point ils trouvent le livre dense, complet, très fourni, très détaillé, mais aussi et ça pour moi, j'avoue que ça fait vraiment plaisir à entendre, bien écrit. Je commence aussi à avoir des retours des lectrices, des lecteurs qui me disent que c'est un livre qui fait du bien. Surtout en cette période compliquée, hein, on savait que ça allait être dur de trouver de la place pour faire exister ces sujets de la société durable et solidaire de demain pendant les élections présidentielles, parce que malheureusement on tombe trop dans le jeu du buzz, de la petite phrase, des oppositions stériles. Mais là, avec la guerre qui arrive en Europe, je vous avoue que c'est encore plus difficile de le faire exister, et pourtant je suis persuadé que c'est en particulier pendant ces moments-là qu'on a encore plus besoin justement de lever la tête, d'imaginer à quoi ressemblera la société de demain pour la faire advenir le plus vite possible. Donc j'ai besoin de vous, et j'ai besoin de vous pour soutenir le livre si vous l'avez déjà, en laissant un commentaire sur les boutiques en ligne, en le partageant sur les réseaux sociaux, mais aussi en allant chez votre libraire si vous ne l'avez pas encore, et en le lisant, en l'achetant, pour que le livre il soit partout, que ses sujets soient partout, et que voilà, cette question des 2030 glorieuses, ça ne soit pas seulement quelque chose que j'aborde avec mes invités dans le podcast. Donc je compte sur vous, je compte sur votre aide pour faire en sorte que un raz-de-marée, j'allais dire, je ne sais pas, puisse advenir à ce sujet, mais qu'il y a en tout cas une vraie dynamique qui se lance, et ça, ça ne se fera pas sans vous. Voilà, c'est dit. Je vous remercie d'avance. Allez, c'est parti pour l'interview. Bonjour Hélène Taquet. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuses, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. En 2022, le podcast 2030 Glorieuses, il est soutenu par la NEF. C'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Hélène, vous êtes la fondatrice de Popfleur. C'est une entreprise qui produit des bouquets et des confettis de fleurs séchées. Aujourd'hui, nous échangeons à distance et nous discuterons de votre métier, du lien aux saisons, du lien à la biodiversité, et de comment se remettre au service de fleurs françaises peut permettre aussi de recréer tout un tas d'emplois sur notre territoire. Pour commencer cet échange, Hélène, je vous pose la question que je pose à tous mes invités depuis plus de 50 interviews déjà, ça commence à faire. Qu'est-ce que vous répondez aux gens que vous rencontrez pour la première fois et qui, de manière un peu automatique, vous poseront cette question qu'on en vient presque à redouter? Hélène, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis agricultrice. C'est aussi simple que ça? Oui. Après, en fait, j'ai des tonnes de casquettes, donc je peux vous en faire une liste longue comme le bras. Je suis un peu une touche-à-tout, donc oui, je suis agricultrice, je suis céramiste, je suis paysagiste, je suis, vous voyez, je fais plein de choses. Mais disons que mon métier officiel est l'agriculture, donc quand on me pose cette question de but en blanc, je suis agricultrice. Moi, je vous ai découvert à travers la fenêtre Popfleur. Peut-être que vous pouvez m'en dire un peu plus sur cette casquette-là. Oui. Alors, en fait, donc Popfleur est une diversification que j'ai faite depuis 2011. Donc, j'ai repris la ferme familiale qui initialement cultivait uniquement du blé, de l'orge, du colza, des pommes de terre, des betteraves, etc. Et en fait, en 2011, j'ai commencé à cultiver des fleurs. Alors, c'est-à-dire qu'on cultivait des fleurs dans l'exploitation depuis toujours. C'est une exploitation qui est passée par les femmes toujours. Et on faisait les bouquets pour les cérémonies du village et des villages alentours. Donc, on a toujours cultivé des fleurs, mais pas pour les vendre. Et en fait, à partir de 2011, j'ai décidé d'en cultiver pour les vendre. Au départ, c'était des fleurs fraîches uniquement parce que j'utilisais ces fleurs pour faire des ateliers de bouquets en entreprise. Donc, j'ai commencé à développer cette activité-là. J'étais la seule en France à le faire et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui le faisaient en réalité puisqu'il y avait des ateliers de bouquets pour des particuliers, mais pas pour les entreprises dans l'idée d'un atelier de séminaire, voyez, comme un atelier de cuisine. Et là, c'est un atelier de bouquet avec des fleurs de saison, donc qui poussaient à la maison. Mais ça pouvait être des couronnes de Noël avec des fleurs séchées l'hiver, vous imaginez bien. Et puis ensuite, j'ai l'impression que vous êtes spécialisé ou vous avez continué à avancer sur cette idée de la fleur qui soit locale et de saison comme quelque chose d'ouvertement affiché, non ? Oui, exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que très vite, tous les personnes que j'avais en formation me demandaient où acheter ces fleurs, et enfin mes fleurs. Mais sauf que, comme je vous l'ai dit, je ne les vendais pas. Donc, je suis un peu allée à la pêche à l'information, savoir où, enfin quelle boutique je pouvais leur indiquer, ou quel lieu, quel producteur, etc. Et c'est là où j'ai découvert en fait le pot aux roses parce que il y a presque, je dirais pas une omerta, mais quand même presque sur les chiffres, sur les lieux. Enfin, en fait, la production de fleurs s'était tellement effondrée qu'on préférait la mettre sous le tapis que de sortir des chiffres pitoyables. Donc en fait, au fur et à mesure, si vous voulez, à un moment donné, je me suis beaucoup engagée dans la fleur française. J'ai créé une association qui s'appelle le collectif de la fleur française. Et parallèlement, j'ai arrêté de faire les ateliers pour me consacrer uniquement à la production. Donc maintenant, je suis davantage spécialisée dans la production de fleurs séchées. Et notamment, encore plus spécialisée, puisque je suis la seule ferme florale à cultiver des fleurs pour les effeuiller, garder les pétales, les faire sécher, et ça nous donne des confettis de pétales de fleurs séchées. Donc, c'est une véritable alternative écologique aux confettis en papier, en tissu, en papier métallisé aussi, que vous pouvez acheter en Chine. Absolument. Et quand vous dites qu'il y a une omerta sur ces chiffres de ce secteur, qui est un secteur qui est quand même quelque chose, mais où c'est quand même très irrationnel comme secteur, parce qu'on vend des émotions, on vend des sentiments à travers la fleur, à travers cette beauté qui est véhiculée par la nature elle-même. Et le voile est quand même un peu en train de se lever ces derniers temps. Il y a eu le documentaire qui a été fait par Hugo Clément. On a vu quelques études. Moi, je suis tombé sur ces chiffres. Peut-être que vous en avez d'autres qui disaient que 85% des fleurs vendues en France viennent de l'étranger et qu'on a effectivement dans ce secteur perdu énormément d'emplois puisqu'on compte aujourd'hui 300-400 horticulteurs et horticultrices alors que il y a une quarantaine d'années ils étaient 8000. Oui, exactement, donc c'est quand même terrible comme chiffre hein. C'est terrible, d'autant que c'est pas comme si les consommateurs avaient arrêté d'acheter des fleurs, voyez. Donc en fait, on les importe. C'est un montant énorme d'importation, hein, puisque la fleur coupée, on parle d'un milliard même. Hein, donc c'est juste énorme. Donc c'est un potentiel en fait économique rural. Très très important. Un milliard de fleurs coupées en France, un milliard de fleurs coupées dans le monde. Coupées en France. Effectivement, c'est énorme, ouais. Oui, c'est énorme. Oui, donc c'est pour ça que, si vous voulez, on a un boulevard devant nous. Le tout, c'est que ce soit bien organisé et qu'on soit quand même un tout petit peu aidé. Voilà, donc ça, enfin un tout petit peu aidé. Pour l'instant, on se débrouille très bien sans personne, mais pour pouvoir avoir un secteur économique dynamique, vif et qui s'adapte à toutes les situations, il faut pouvoir avoir les moyens d'investir un peu. Investir un peu, enfin, vous savez bien, dans n'importe quelle entreprise, il faut quand même être aidé un peu au départ, quoi. Ne serait-ce que par les banques. Ouais, bien sûr. Donc, il y a besoin d'avoir un soutien parce que la filière se redéploie et donc il y a besoin de moyens financiers. J'ai l'impression aussi que vous avez un gros enjeu de pédagogie à faire auprès des clientes et des clients et que ça, c'est ce que vous faites en partie avec le collectif dont vous avez mentionné la création en 2017 puisque vous en êtes l'une des cofondatrices. Le collectif de la fleur française, hein, c'est un peu sa mission peut-être de mieux communiquer sur ces enjeux liés à ce milieu-là. Oui, le premier objectif du collectif, quand je l'ai créé, c'était de m'adresser aux consommateurs. C'est-à-dire que je m'étais dit, si on informe le consommateur qu'il existe de la fleur française, déjà ils s'interrogeront, ils se diront, mais alors toutes les fleurs, toutes ces jolies fleurs que je vois chez le fleuriste, elles ne sont pas forcément françaises. Et comme il y avait quand même le mouvement Slow Food qui fait des ravages depuis un bon moment, ça interpelle quand même les gens quand vous parlez de production française. Donc au départ, voilà, le collectif, c'était un annuaire destiné, enfin, au service du consommateur. Très rapidement, c'est un annuaire qui a été utilisé également par les professionnels, en fait. Parce que justement, il y a une telle omerta que même les professionnels ne sont pas au courant, ne savent pas où se situent les productions. Et comme c'est quelque chose que vous n'apprenez pas à l'école des fleuristes, ben, les fleuristes ne savent pas que le bassin principal, c'est le Var, et puis qu'il y a aussi le Sud-Ouest, etc., etc. Et donc, évidemment, ne savaient pas qu'il y avait une dynamique qui se passait au niveau des fermes florales. Donc ça, c'était important. Et puis ensuite, ben, c'est tout un tas de messages. Effectivement, quand vous parlez de pédagogie, c'est de pédagogie auprès des consommateurs et des professionnels, mais également dans les écoles, parce que là, moi, je fais des conférences, par exemple, à l'école des fleuristes de Paris, puisque les standards pour obtenir le diplôme se fait avec des fleurs exotiques. Voyez, donc déjà, il y a aussi des choses qui seraient importantes à revoir là-dedans, mais on leur apprend pas. En fait, on n'apprend pas aux apprentis fleuristes où sont cultivées les fleurs, comment elles poussent, à quelle période, dans quelle région, etc. Et en fait, au-delà même culturellement, c'est aussi important pour eux commercialement. Parce que, vous voyez, quand vous savez raconter l'histoire de votre produit, ça a quand même une toute autre dimension que quand vous êtes un marchand de fleurs et que vous avez des bacs là de toutes les couleurs devant sur votre étal. Et justement, alors, comment on peut travailler cette désirabilité de la fleur française? Qu'est-ce qui la rend au moins aussi intéressante que la fleur exotique que vous mentionniez là dans votre réponse précédente? Il y a tellement d'arguments. Le premier argument, si vous voulez, c'est que quand vous achetez une fleur, un bouquet, qu'est-ce que vous souhaitez le plus? C'est qu'ils tiennent, c'est qu'ils tiennent en vase, c'est qu'elles tiennent longtemps, en fait. La première volonté d'un acheteur, si vous voulez, c'est le souhait que le bouquet qu'il va offrir ou qu'il s'offre reste au moins une semaine, 10 jours ou 15 jours en vase, voyez. Ça, c'est le premier argument de la fleur française. C'est que les fleurs sont fraîches, elles sont cueillies de la veille ou l'avant-veille, mais l'avant-veille, c'est le maximum. Donc, alors qu'une fleur qui va venir d'Éthiopie ou d'Amérique du Sud, elle aura au bas mot 5 à 7 jours déjà. Elle aura voyagé sans eau à 2 degrés. Donc, vous imaginez bien que quand elle arrive chez vous, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'épanouit très, très vite. Et elle fane très très vite, voyez. Donc la première vraie qualité de la fleur française, c'est ça, c'est sa fraîcheur. Et sa fraîcheur, elle est aussi, enfin, et sa longueur de durée en vase est aussi due au fait qu'on puisse cueillir les fleurs à maturité. En fait, une fleur étrangère, pour qu'elle puisse voyager, ils sont obligés de la cueillir à un stade, enfin, pas mûr, si vous voulez, encore verte, un peu comme vos citrons, vos avocats, etc. C'est exactement le même principe. Et résultat des courses, les tiges ne sont pas bien développées, donc les canaux ne sont pas encore très ouverts. Et deux choses, l'eau ne peut pas monter et irriguer la fleur, donc elle ne peut pas s'ouvrir, d'où le nombre de fois où vous avez vu des fleurs importées qui ne s'ouvraient pas. Et l'autre chose, c'est que les tiges sont complètement molles, puisque il y a de la lignine dans les tiges, et donc ça, ce n'est pas à maturité, et résultat des courses, les tiges sont molles. Vous voyez, donc ça fait déjà deux arguments très forts, je trouve, pour que avoir des fleurs de saison cueillies à maturité, fraîches, qui arrivent chez vous directement, donc deux jours après, trois jours maximum, si elles sont restées deux jours chez le fleuriste. Donc ça, ce sont les deux premières choses. Ensuite, il y a un argument, vous parliez de beauté, d'émotion. En France, il y a beaucoup de fleurs et de variétés qui ne peuvent pas voyager. Par exemple, une fleur parfumée dégage de l'éthylène. L'éthylène, c'est ce qui fait faner. Donc, vous n'aurez jamais une seule fleur qui vient du bout du monde qui sera parfumée. Alors que si vous achetez une fleur qui pousse ici, au grand air, qui va être cueillie, qui va arriver directement sur l'étal d'un fleuriste, elle va passer du camion du producteur à l'étal du fleuriste, donc toujours au grand air, vous pourrez avoir une fleur parfumée et qui pourra rester chez vous. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc ce qui fait que on a une diversité énorme ici, incomparable à la vingtaine, on va dire, d'espèces qui voyagent, en fait. Moi, je vous avoue que en préparant cette interview, je me rendais compte que j'étais sans doute peut-être le moins bon client de la population française, puisque c'est vrai que j'achète jamais de fleurs coupées, mais que je trouvais que c'était un sujet qui était trop important pour ne pas l'adresser. Et je vous avoue qu'en vous écoutant, ce qui me donne envie, en tout cas, c'est de soutenir cette filière qui mérite d'être redéveloppée et qui me faisait me poser aussi la question du prix, parce que si on va acheter un bouquet qui peut parfois vite monter dans les tarifs, je me demandais si le fait que ça soit français, ça voulait aussi dire qu'il y a une augmentation dans le prix, peut-être une diminution. Qu'est-ce qu'il en est à ce niveau-là? Non, pas du tout. En fait, alors déjà, ce qui est dommage, c'est que vous mettiez une barre en vous disant qu'un bouquet, c'est cher. En fait, vous savez, moi, j'ai toujours des fleurs sur mon bureau. J'ai trois tiges. Hein, et je vais vous dire, trois tiges, ça ne vous coûte pas 25 euros. Donc, vous pouvez très bien acheter des fleurs à la tige. Vous en avez pour 9 euros, même pas. Enfin, vous en avez pour 6 euros. Et je vous assure que c'est excellent pour la santé. Hein, ça repose le cerveau. Enfin, il y a des études qui ont été faites là-dessus que j'avais vraiment approfondies quand je faisais mes ateliers de bouquets. Et c'est impressionnant parce que ça marche à chaque fois. C'est dommage, il ne faut pas s'en priver. Ça fait partie de l'éducation, d'ailleurs, de la pédagogie du collectif aussi, d'expliquer aux gens que les fleurs coupées, ça fait du bien au quotidien, en fait. Hein. Je ne prêche pas juste pour ma chapelle, je veux juste dire que c'est effectivement réel sur la vie médicale, vous voyez, donc c'est quand même utile. En fait, c'est une idée reçue, l'histoire du prix. Alors, je vais vous dire, déjà, si on les vendait plus cher que les fleurs étrangères, on les vendrait pas. Donc, je vais vous dire, elles nous coûtent plus cher à produire, puisque nous, on paye l'énergie plus cher, on a beaucoup moins de produits phytosanitaires à notre disposition, même que les Européens, parce que je vais vous dire que les Espagnols, les Italiens et les Hollandais ne se privent pas de mettre des produits phyto qui sont interdits en France, mais autorisés en Europe. Voilà. Donc, même si voilà, l'énergie, les coûts, parce qu'on a des charges sociales qui sont très importantes, plus importantes, vous voyez, par exemple, en Hollande, les Hollandais, les horticulteurs hollandais peuvent prendre de la main-d'œuvre polonaise payée au tarif polonais. Vous imaginez bien qu'en France, ce n'est pas possible. Donc, on a ça aussi comme des avantages. Et le dernier, ce sont les impôts, tout simplement, puisque j'imagine que vous ne savez pas, mais quand on est agriculteur, on paie un impôt sur les cultures en terre. Ça veut dire que vous n'avez encore rien vendu, mais le potentiel de ce que vous allez vendre vous coûte déjà une taxe. Vous voyez ? Donc, tout ça pour vous dire que une fleur française coûte à peu près 20% plus cher à produire qu'une fleur hollandaise poussée sur le sol hollandais, d'accord ? Mais en fait, si on les vendait 20% de plus, on les vendrait pas. Donc, les fleurs françaises coûtent la même chose. Après, ce qui se passe, c'est que, au contraire, même là, les fleurs étrangères sont même plus chères actuellement que les fleurs françaises. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les coûts de transport ont explosé, et ça s'applique évidemment aux fleurs aussi. Oui, c'est ce que je me disais en vous écoutant, que de toute manière, effectivement, avec l'augmentation du prix de l'essence, hein, tout simplement, on allait sans doute avoir une bascule qui allait de plus en plus forte sur une augmentation des tarifs des produits étrangers, et ça allait forcément se répercuter sur le tarif des fleurs. Mais en vous écoutant aussi, j'avais envie de revenir, Hélène, à ce qui concrètement fait votre métier dans le quotidien avec cette casquette encore toujours d'agricultrice et de cette activité que vous avez avec Pop Fleur qui vous permet en plus d'avoir, j'imagine, une activité tout au long de l'année. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire aussi de retravailler au rythme des saisons, de produire des fleurs en France et qu'est-ce que ça implique dans son quotidien ? Alors, dans son quotidien, ça veut dire travailler entre 78 et 80 heures par semaine. Ne jamais avoir de vacances, parce que en fait, un horticulteur, si vous voulez, il doit à la fois produire et vendre, et faire sa comptabilité, beaucoup de paperasserie, etc., bah, comme tout le monde. Mais il doit être énormément dehors, parce que de toute façon, par tous les temps, il y a du travail à faire, et si jamais l'hiver, il y a du matériel à entretenir. Donc, ce qui fait que c'est un métier qui occupe énormément. Il y a beaucoup de jeunes là qui se reconvertissent et à qui je conseille de se ménager parce que, si vous voulez, on peut quand même prendre un motoculteur plutôt qu'une grelinette qui est très à la mode. Mais une grelinette, vous allez au bout de 2 ans, ces filles-là, elles auront plus de genoux, plus de dos en tout cas, plus de genoux pour les plantations, etc. Enfin, on peut quand même un petit peu se faciliter la vie. Mais en tout cas, ça veut dire un énorme engagement. À la fois, c'est un métier qui vous remplit de bonheur. D'abord, c'est idéal, je trouve, pour une femme, enfin un couple même d'ailleurs, mais ça permet, moi c'est ce que j'ai aimé avec mes parents et c'est pour ça que j'ai voulu reproduire ça avec mes enfants. C'est une totale élasticité et liberté d'organisation de son emploi du temps. Parce que même si on travaille, de toute façon, on est là et il y a une réelle confiance des enfants qui peuvent vous appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et vous êtes toujours là de toute façon. Vous êtes le pilier. D'ailleurs, les agriculteurs sont un peu les piliers de la terre. Hein. Je pense que sans eux, je ne sais pas où on irait. En tout cas, on ne mangerait plus beaucoup. Donc, il y a ça. Donc, mon quotidien, si vous voulez, c'est ça. Mais c'est aussi, comme je vous le disais, la gestion des commandes, puisque j'ai un site internet, c'est comme ça que je vends mes pétales. Donc, les commandes quotidiennes qu'il faut préparer, qu'il faut aller déposer à la poste, qui ensuite partent. Et les commandes de fleurs séchées des fleuristes, là il faut répondre aux demandes de bons de commandes, ensuite avoir les commandes, les préparer, les mettre en carton et les expédier aussi. Donc tout ça demande aussi beaucoup de travail. Après l'hiver, il y a aussi le calendrier, enfin tout le programme en fait, les fleurs qui ont fonctionné, celles qui n'ont pas fonctionné, celles que vous avez aimées, celles qui ont foiré, celles qui ne sont pas assez rentables ou celles que vous voulez tester, voyez. Donc ça, c'est tout un travail aussi et qui est assez fastidieux parce que personne n'a vraiment le même retour puisque un sol n'est jamais le même, le climat, l'exposition, tout est différent. Donc vous pouvez pas. Ce qui est bien, c'est de s'entendre avec des gens autour, mais c'est difficile de faire En tout cas, vous ne pouvez pas comparer une terre à 200 km de chez vous. Donc ça, c'est un travail important. Et c'est vrai que moi, je conseille souvent de s'installer à 20 minutes maximum d'un autre horticulteur parce que ça crée beaucoup de synergies, en fait, qui permettent quand même de se faciliter un petit peu la tâche et qui est même au niveau du commerce. Vous savez, c'est comme, regardez, les chocolatiers, ils s'installent à côté des autres chocolatiers. C'est pas par hasard, c'est parce que au moins on sait qu'il y a un petit centre de production à cet endroit-là et les clients viennent. Donc, une fleur est belle si elle se vend. Donc, le nerf de la guerre, c'est de vendre. Et c'est vrai qu'en étant nombreux, on est quand même plus fort. Et c'est, ça, c'est un des atouts du collectif qui maintenant est un véritable réseau. Les fleuristes, vous voyez, peuvent s'appeler entre eux s'ils ont un bouquet à livrer à l'autre bout de la France plutôt que de l'envoyer par la poste. Ils vont le faire livrer par un membre du collectif à proximité, le bouquet sera plus frais. Et c'est pareil pour les producteurs, ça crée un réseau de proximité et comme ça, les fleuristes peuvent s'approvisionner chez plusieurs producteurs en même temps et comme ça, on ne fait pas tous la même chose, on ne cultive pas tous la même chose et ça permet d'avoir une offre beaucoup plus large. Dans votre témoignage, je retrouve beaucoup de points communs avec les autres personnes à qui je donne la parole puisqu'en fait, c'est même plus un métier que vous faites, hein, c'est un vrai chemin de vie, c'est une décision qui a influencé toute votre vie. Je vois pas comment le dire autrement. Et ce que j'entends aussi dans votre présentation du métier d'horticulteur, d'horticultrice, en l'occurrence, c'est aussi d'être connecté à son territoire, aux autres personnes qui travaillent sur la même thématique pour créer du lien, créer des points de synergie et pour ensemble réussir à simplifier un peu cette démarche qui est très très prenante. Votre témoignage est très intéressant, je suis sûr que ça va passionner tout un tas de personnes parce qu'effectivement on l'a déjà dit mais dans ce milieu on a assez peu de visibilité sur ce que ça veut dire et donc que vous nous aidiez à lever un peu le voile c'est vraiment passionnant. On va bientôt partir en 2030 glorieuse Hélène parce que moi j'aimerais qu'on parle d'une France où les fleurs viendraient de chez nous et elles nous aideraient à avoir plein d'aspects positifs hein, sur l'emploi, sur notre reconnexion à la beauté du vivant et au grand changement des saisons. Mais avant ça, Hélène, pour marquer une petite coupure hein, dans notre échange, l'invité vient toujours avec une lecture qu'il a envie de nous faire d'un roman, d'un essai qui l'a particulièrement touché et qui porte des valeurs de ces 2030 glorieuses. Qu'est-ce que vous allez nous lire, Hélène ? Alors, moi, j'ai choisi un extrait d'une autrice qui s'appelle Sylvie Brunel, qui a écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi les paysans vont sauver le monde ?» Alors, c'est un livre qui est davantage destiné à l'agriculture nourricière, mais qui s'applique en fait complètement aux fleurs, si vous voulez. On assiste aujourd'hui à une exode rurale partout dans le monde qui vient gonfler des villes et des banlieues ou des bidonvilles dans les pays en développement où en fait il n'y a pas lieu d'être et on vide les campagnes, tout ça pour les remplacer par des bâtiments de logistique qui eux ne vont pas donner du travail ni à manger et ni la beauté des fleurs, voyez. Ce livre est vraiment très intéressant parce que il décortique et c'est une évidence qu'il faut que le monde pourrait beaucoup mieux fonctionner si plutôt que de donner de l'argent, enfin que les États donnent bêtement de l'argent, si on l'injectait directement dans l'agriculture, ça porterait ses fruits et beaucoup plus rapidement. Et susciter la prospérité dans les campagnes, la recette est connue. D'abord, l'État doit avoir la volonté d'investir dans l'agriculture familiale paysanne, mais aussi une formation en milieu rural. Il faut aussi mettre en place des infrastructures permettant une gestion durable de l'eau, irrigation, drainage, lutte contre la salinité, et des sols, bien sûr, des diguettes anti-érosives, replantation d'arbres, de haies, de billons, édifier des haies, des barrières et des enclos pour empêcher les bêtes sauvages et domestiques de saccager les cultures villageoises. Il faut enfin construire des silos et des bâtiments pour stocker les récoltes. Les pertes liées aux bio-agresseurs sont considérables quand le stockage reste celui des greniers paysans, qu'assaillent les insectes, les rongeurs et les moisissures. Mais tout cela ne sert à rien sans filière de commercialisation rémunératrice. Pour produire, pour investir, le paysan doit avoir l'assurance de vendre. Il lui faut des coopératives, des groupements de producteurs, des partenaires soucieux de commerce équitable. Partout, le paysan doit avoir l'assurance de bénéficier des fruits de son travail, savoir qu'il va pouvoir tirer de sa récolte des prix qui justifient son effort, l'achat de semences, de produits de traitement, d'eau pour irriguer, de machines pour soulager son travail. Coopératives, groupements de producteurs, syndicats paysans sont essentiels. Surtout, un paysan isolé est un paysan spolié. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là parce que, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais que le collectif est quelque chose d'important. C'est un réseau qui permet d'éviter justement cet isolement des paysans, des horticulteurs. Parce que ça permet justement d'éviter l'isolement des horticulteurs dans leur territoire, dans les campagnes en fait. Ça permet de recouper des informations, etc. Donc ça permet un regroupement. Ouais, de votre lecture, j'entends aussi que le métier de paysan est tellement prenant que, en fait, effectivement, il y a besoin de ce collectif pour derrière permettre de porter plus haut ces valeurs et ce lien à la terre qui est hyper nécessaire et qui nous fait vivre en fait tous et toutes ici sur le territoire de par l'alimentation forcément, et de lui redonner sa juste valeur, parce qu'on a trop vu ça maintenant comme un coût, alors que notre alimentation notamment, c'est vraiment un investissement pour notre santé, un investissement pour nos territoires, un investissement pour la faune et la flore. Et ça, on va parler, Hélène, d'ailleurs, ça y est, on est en 2030 glorieuse. Vous savez que le podcast, sa particularité, c'est de donner la parole à des personnes qui sont les signaux faibles des mondes de demain et d'essayer avec ces personnes d'imaginer à quoi ressemblerait une société vraiment plus durable et vraiment plus solidaire si les métiers portés par les personnes à qui je donne la parole se normalisaient en France. Vous qui êtes agricultrice, qui portez ce drapeau de la fleur française le plus haut possible, imaginons que ça y est, d'une certaine manière, vous avez réussi et que aujourd'hui, en 2030 glorieuse, puisque nous échangeons en 2030 glorieuse, Hélène, et donc il va falloir qu'on parle au présent de cette ère où finalement notre boussole de société a été drastiquement revue, et qu'on raconte aux personnes qui nous écoutent à travers les écouteurs ou les enceintes de leur appareil et qui suivent ce podcast, imagine avec nous à quoi ça ressemblerait. Ça marche ? Je sais que c'est un jeu qui n'est pas évident, mais on va essayer de le faire. Et la première question que je vous pose, Hélène, c'est ça y est, nous sommes en 2030 glorieuse, et qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez à travers la fenêtre ? Alors, ce que je vois à travers la fenêtre, ce sont des champs de fleurs et des serres, parce qu'on a eu l'autorisation de construire des serres. Et les producteurs peuvent maintenant cultiver des fleurs presque sur toute l'année grâce à ces serres. Et ce sont des serres bioclimatiques, puisqu'on peut les chauffer grâce aux énergies renouvelables. Il y a eu suffisamment de recherches maintenant pour que cela puisse être rentable. Ce qui fait que je vois par ma fenêtre de la ville, tout autour, et des maraîchers et des horticulteurs qui ont pu être relocalisés, qui ont eu les autorisations d'urbanisme pour pouvoir construire ces serres justement, et qui peuvent donc livrer des produits à proximité. Le secteur horticole, dans lequel vous étiez déjà impliquée depuis de nombreuses années, Hélène, il a fortement évolué, si bien qu'aujourd'hui, en 2030, il y a plus de la moitié des fleurs vendues en France qui ont été produites sur le territoire. C'est une avancée folle. Qu'est-ce qu'elle change, cette avancée ? Elle change que beaucoup de gens ont repris leur destin en main, ne sont plus paumés dans un bureau à obéir à certains ordres qu'ils ne comprennent pas. Ils ont repris le pas sur la vie. Ils vivent au gré des saisons. Ils maîtrisent leur destin. Ils s'occupent de leur famille. Ils donnent beaucoup de joie autour d'eux en pouvant produire beaucoup de fleurs et beaucoup de variétés de fleurs qu'ils livrent à des dépôts de grossistes qui se trouvent à proximité, un autour de chaque ville. Et ça leur laisse la liberté et ça leur donne beaucoup plus de temps à produire plutôt qu'avant, quand ils étaient obligés de produire sans en avoir vraiment les moyens, plus de devoir commercialiser sans en avoir les moyens non plus. Donc là, la vie leur est facilitée, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils peuvent réellement se consacrer à la tâche de produire. Qu'est-ce que ça a changé, Hélène, pour les clientes et les clients qui, aujourd'hui, consomment de la fleur française et qui voient les saisons avoir un impact sur les fleurs qu'ils peuvent retrouver chez le fleuriste? Comment ça nous a aidé, nous, le fait de consommer local, à nous rendre compte du temps des saisons qui étaient, à l'époque, il y a de ça 10 ans en arrière, complètement absent de notre consommation de fleurs, si bien qu'on pouvait retrouver une rose rouge à n'importe quel moment de l'année, et en fait, ça crée encore plus cette déconnexion au vivant. Oui. Une fleur qui est encore plus frappante, c'est la pivoine. Parce que c'est une fleur dont la saison est très très courte, au mois de mai, et on trouvait des pivoines un peu à n'importe quelle époque avant, alors que maintenant vous avez vraiment la joie. C'est une fleur que beaucoup beaucoup de monde aime, la pivoine, et vous avez la joie de la retrouver au mois de mai. Mais quelle joie, vous voyez. Et ça, ce sont des faits en fait qui vous permettent d'évoluer, à mon sens, dans votre tête et dans votre corps, d'être complètement connecté aux saisons comme ça, et le corps s'adapte en fait et se met en dormance comme les fleurs à une certaine période et ont envie de renaître à une autre avec la lumière et les bourgeons. Et maintenant, ce qu'on remarque surtout, c'est l'art floral, l'évolution de l'art floral, puisque pendant 30 ans, on a eu des bouquets figés avec quelques espèces et quelques variétés, et donc la créativité était très limitée. Et là, maintenant, en fait, avec cette diversité qui existe, on a une imagination sans borne, en fait. Donc, vous avez une diversité de bouquets incroyables et ça change tout, en fait, dans votre quotidien. Et ce qui fait que c'est un peu comme une œuvre. Avant, on achetait un bouquet de tulipes ou un bouquet de roses rouges et puis c'est tout et on connaissait rien d'autre. Maintenant, vous pouvez avoir des bouquets qui ressemblent à des paysages, en fait. Et qu'est-ce que ça dit aussi de notre réappropriation des spécificités du territoire aujourd'hui, en 2030? Aller acheter des fleurs dans le Var, c'est pas du tout la même chose que d'acheter des fleurs en Bretagne ou dans le Jura. Même si ces fleurs, elles circulent sur le territoire, on se rend compte aussi qu'il y a une fierté d'avoir une production qui vient à côté de chez soi. Et donc, du coup, ça change aussi la forme, les couleurs, les odeurs de nos bouquets, non? C'est vrai qu'on parle de terroir aussi pour les fleurs. Alors, évidemment, ce n'est pas aussi marqué que pour le vin, mais quand même, parce que vous avez des climats qui sont beaucoup plus appropriés à certaines fleurs qu'à d'autres. La France est grande, ça, c'est notre chance. On s'est quand même jamais coupé de mimosa du sud au mois de décembre, janvier. Vous voyez, et ça, on l'a nulle part en France. Et même si c'est même si, par exemple, si moi qui suis du Nord, si il y a très peu de fleurs quand même dans le Nord, on est quand même heureux de pouvoir faire venir du mimosa du Sud qui représente quand même notre territoire. Vous voyez, ça fait rêver. On se dit, on a l'impression de partir en voyage et d'être au bord de la Méditerranée. Ouais, c'est vrai qu'on retrouve aussi le plaisir effectivement de voyager grâce aux fleurs qui sont un vecteur émotionnel assez extraordinaire. De manière un peu plus pragmatique aussi, Hélène, le fait d'avoir toute cette filière de la fleur qui a été renationalisée, ça a eu un vrai impact sur l'emploi. Est-ce que vous pouvez me raconter comment ça a changé le quotidien de dizaines de milliers d'horticulteurs aujourd'hui et d'horticultrices, hein? En fait, la fleur, comme le maraîchage d'ailleurs, nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Donc, sur 4500, 5000 mètres carrés, vous pouvez faire vivre un couple plus un salarié. Sur un hectare, vous faites vivre 5 personnes. Ce qui fait que, évidemment, la relocalisation de la culture des fleurs dans les villages crée une dynamique. Parce qu'on a pu embaucher des gens du village, il y avait un énorme travail de pédagogie qui avait été fait, donc ce sont des métiers qui attirent à nouveau les jeunes et qui viennent là. Alors, et puis au-delà de ça, une activité agricole telle que des fleurs, mais comme le maraîchage aussi, il y a beaucoup de similitudes, hein, faut dire ce qui est, crée beaucoup d'échanges entre les villes et les campagnes. Donc, que ce soit un fleuriste ou un grossiste, mais il y a des fleuristes qui achètent directement chez les producteurs, qui viennent dans un village, ça veut dire qu'ils vont acheter des œufs chez le producteur, chez l'agriculteur voisin, ils vont acheter un poulet, ils vont retrouver une copine au bar, et ça crée en fait une vraie dynamique, un vrai échange. Alors que les gens des villes ne fréquentaient plus les campagnes. Vous en avez parlé brièvement aussi, Hélène. Quel impact au niveau de la formation de ces jeunes, justement? Je me rappelle qu'il y a 10 ans, vous interveniez déjà dans les écoles de formation des fleuristes, notamment, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui a changé dans la manière de donner à voir ce métier et comment on a aussi fait ce travail de réappropriation de la production française avec la fierté que ça veut dire pour ces jeunes et pour ces jeunes qui aujourd'hui mettent les mains dans la terre et ont un travail décent et épanouissant grâce à ça? En fait, il y a 30 ans, comme les fermes florales se sont effondrées, il n'y avait plus de formation en fleurs coupées. Donc, il y en avait quand même encore en maraîchage, mais personne n'était encouragé à faire de la fleur coupée. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, dans les CFA, donc les centres de formation, les formations fleurs coupées ont été tout simplement supprimées. Heureusement, grâce au travail du collectif et de tous les membres et la volonté de gens aussi qui ont envie de se retourner vers ces métiers, ces formations sont revenues petit à petit. Et ce qui fait que les chambres d'agriculture, les banques, etc., ont commencé à réentendre parler de ces professions et accepter des projets. Et les financer, ce qui n'était plus le cas il y a 10 ans. Et vous, Hélène, vous faites quoi en 2030 Glorieuse? Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Oser les fermes florales » et pour aider justement aussi les jeunes à s'installer. Et donc je fais du conseil parce que j'ai vieilli et la terre est basse, donc maintenant je fais davantage de conseils pour aider à installer de plus en plus de fermes florales. La terre est basse, ouais. C'est mon grand-père qui disait tout le temps ça, la terre est basse. Effectivement, on revient d'ailleurs dans le présent qui est bas aussi. Lui, les 2022 sont un peu durs en ce moment, on va pas se mentir. Pour les personnes qui nous écoutent, d'imaginer cette France avec les couleurs des fleurs qu'on verrait à nouveau partout en périphérie des villes, les connexions plus directes avec la campagne qui a été trop longtemps isolée du quotidien des urbains. C'est quelque chose qui est hyper enthousiasmant et à la fois qui peut sembler un peu loin. Qu'est-ce que vous conseilleriez, Hélène, et c'est ma dernière question, pour faire en sorte que les gens qui nous ont écoutés puissent les faire advenir le plus vite possible ces 2030 glorieuses? Quel est le pas suivant là, à faire dès aujourd'hui, dès demain, pour accélérer la création de ces 2030 glorieuses? Que dès que vous achetez des fleurs, vous demandez systématiquement des fleurs françaises. Parce que même si le fleuriste n'en a pas, il se dira « zut, j'en ai pas, je vais rater la vente ou je vais faire une moins belle vente » et il en cherchera. Et c'est par la demande qu'on créera de nouvelles fermes parce que, comme d'habitude, les agriculteurs s'adaptent. Quand il y a une demande, on cultive. Merci Hélène. Merci Julien. Ça y est, cette interview avec Hélène Taquet vient de se terminer. Une interview dense et riche qui sort aussi un tout petit peu, je me rends compte, du cadre des interviews 2030 glorieuses classiques où je mets en avant en général des personnes qui sont assez jeunes, qui ont aussi une sorte de comment le dire, qui sont issus du milieu de l'ESS assez récent et donc avec tout le vocabulaire qui va bien et voilà, je vais essayer de plus en plus d'aller vers des personnes qui ont une richesse à nous livrer due à une expérience sans doute plus longue avec aussi une évolution plus marquée dans le milieu dans lequel elles essayent de faire advenir des valeurs, des actions plus durables, plus solidaires. Et donc cette interview avec Hélène, elle est intéressante à plein de points de vue, déjà parce que forcément le sujet de la fleur il est passionnant, hein, les fleurs qui viennent pour grande majorité de l'autre bout de la planète et dont on a besoin de savoir un peu quel impact toute cette consommation a sur la planète, sur les écosystèmes, et donc l'éveil pédagogique à ce niveau-là est plus que nécessaire, et donc le témoignage d'Hélène est passionnant et vraiment bienvenu. Mais aussi voilà, dans sa démarche de faire collectif, je trouve qu'il y a vraiment une nette tendance qui se dessine dans le témoignage d'Hélène, qui aussi bien dans son expérience d'agricultrice que derrière dans le lien à créer sur le territoire, puis ensuite dans le lien à créer dans la même thématique, hein, comme elle le fait avec son collectif, montre que effectivement, hein, si apparemment seul on irait plus vite, c'est vraiment vraiment vraiment ensemble qu'on va plus loin, et je pense que c'est l'apprentissage à méditer de cette interview. En attendant, forcément, hein, je vous souhaite une excellente semaine, et puis je vous dis à dans deux semaines pour une nouvelle interview des 2030 glorieuses. Allez, salut. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuses avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !